Sans mec sincère, je croyais devenir fou, je l'avoue, vous m'avez poussé à bout. En fin de compte, cette histoire a eu raison.